Et vous ? Vous êtes manager, dirigeant, RH aux Antilles-Guyane et si la performance de votre équipe passait par plus de cohésion, de bien-être et d'intelligence collective ? Chez Rise Now Coaching, nous accompagnons les entreprises et les professionnels avec des ateliers sur mesure, du coaching d'équipe, du team building et des stratégies QVCT pour booster vos résultats et votre épanouissement au travail. Rise Now Coaching, révélez le meilleur de vos talents. Contactez-nous vite au 06 94 94 82 23 ou par mail contact@risenowcft.com. Rise Now Coaching, ensemble, on va plus loin. C'est vous. Monews Radio. Toute la musique que vous aimez. Copines qui tantôt nous poussent vers la fin. Tout leur ragot sous moi me semble bien malsain. Et je ne voudrais pas faire d'effort en vain. Quand les gens s'en mêlent trop, ça complique notre ménage. Ça complique notre ménage. Mais on a tout ce qu'il faut. Allons loin du rivage, créer notre monde bien plus beau. Mais il y a la relation. Vous êtes sur Mo News Radio. Mo News Radio, c'est vous.